Riri, qui a un message de l'armée américaine, de celui qui est le chef des armées. Le chef des armées. On y va avec Donaldo Trumpo. C'était un moment très très symbolique. Et écoutez attentivement ce qu'il va dire. Je vais ramener la vidéo au départ. Perhaps others started off a lot sooner than us. We should have started this a long time ago, but we've made up for it in spades. We have developed some of the most incredible weapons. Donc on a fait ceci en gros pour l'espace, n'est-ce pas? Pour contrecarrer, il y a entre autres la Russie, la Chine, les autres puissances, n'est-ce pas? C'est purement spatial, ok? Pour résumer, je ne vais pas faire de traduction mot à mot parce que il faut qu'on se repose, on y va, mais c'est un moment très très important dans cette guerre digitale, numérique de l'information, dans cet art de la guerre que nous observons entre le président du peuple et ceux de l'état profond, de la corporation. Donc, je vais demander à des personnes incroyables, exceptionnelles ici, de dire quelques mots, n'est-ce pas? Et encore une fois, il précise que c'est quelque chose qui n'a jamais été fait et d'extraordinaire, ok? Et il veut qu'il parle de la stratégie militaire, de ce que Space Force représente. Et Space Force, écoutez bien, Space Force va permettre de ramener notre économie, pour ne pas dire de rétablir notre économie. Comment ça se fait que Space Force, maintenant, a quelque chose à voir avec l'économie? L'économie. Ok? Tirez vos propres conclusions. Nous allons ensemble explorer tout ceci dans le prochain MDR Report, ok? C'est pour titiller un peu l'esprit de ceux qui nous rejoignent dans cet art de la guerre. Et ça va être très spécial et très important, il le disait, quand il créait Space Force. C'est la première fois en 72 ans que nous ouvrons une nouvelle branche de l'armée américaine. Et quelque chose comme ceci, depuis la création du US Air Force, ne s'est jamais passé. Aujourd'hui, nous sommes ici présents pour un jour très important. En fait, c'est un jour très, très important. Souvenez-vous, il a parlé du fait que Space Force, une branche de l'armée qui va aider l'économie. Tirez vos propres conclusions. Intéressant. Chief Master Sergeant Roger Toberman, and he is... I'd like you to say exactly, because his rank is a very special rank. Tell us about that rank. Il dit, on va vous présenter ce monsieur, le général ici. C'est un qui occupe un poste très très important. Parlez-nous du poste que vous écoutez, de votre rang dans l'armée. Donc, je suis un conseiller spécial, senior, donc conseiller supérieur, on peut le dire comme ça, de l'armée américaine en gros, pour simplifier, ok? The highest sergeant by far, donc le plus haut, qui occupe le poste le plus haut, ok? Ça a été nouvellement créé, c'est la première fois, mais il est au-dessus de tout le monde. Il est un senior sergeant, ok? Et en ce moment, le seul, je suis le seul qui existe, ok? Donc, il présente le logo de ce nouveau poste qui surplombe, qui surpasse les autres postes. Il est celui qui conseille les branches militaires. Utilisons le discernement, art de la guerre. Donc, l'autre général est en train de présenter ce poste. Tout comme Durham, faisons le parallèle. Vous vous souvenez, Donald Trump a mis en place un conseil spécial qu'il a remercié lors de son meeting géant ce week-end dernier en Géorgie, qui s'appelle Durham, conseil spécial. Et ici, il mettait en place également, nous l'observons, un autre conseil spécial, mais pour l'armée, ça n'a jamais été fait, qui est celui que tout le monde écoute. Tirez vos propres conclusions. Je reviens sur ceci. Ce n'est pas un MDR Report. Je ne voulais pas trop aller en profondeur, mais tirez vos conclusions. Je n'assume rien. Je n'assume rien. Et je ne sais pas ce que je ne sais pas. Mais je trouve que c'est intéressant. OK? Écoutez bien ce que le général vient de dire. Je vais le dire en anglais d'abord. He is the only airman that wear that rank. Il est le seul membre des forces à porter ceci. Ça a été créé spécialement pour lui, ce monsieur-là, qui va conseiller toutes les branches. OK? L'affaire est compliquée, mais facile à discerner quand on respire profondément. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites et mises en place. Boom! Et le général à côté, général Raymond, qui a été mis en place par Donald Trump, vient de dire, non seulement il est le seul à porter cet uniforme, mais il sera le seul à toujours le porter. Le seul. Et je vais revenir sur ceci. Ceci est très important. Ceci, je voulais garder ça pour le MDR Report, mais je vous lâche ceci déjà, OK? Et je veux quelques commentaires, OK? Parce que ceci est important. On va s'attarder un peu parce que ceci est vital. Vous avez entendu, il a dit, ce logo, cet uniforme, ce poste a été créé pour lui. Il est le seul à le porter. Il sera le seul à toujours le porter parce qu'il est le Senior Sergeant Advisor. Il est à un degré supérieur à tous les autres. Je vais m'arrêter là un peu pour prendre vos commentaires pour 5 minutes. Ne faites pas de commentaires. Je vais faire une petite pause parce que mon corps m'interpelle et arrêtez la